Nobob. Écoutez ça. Oh, mais je dois pas écouter, moi. Tu peux pas l'envoyer sur le chat, sur le Ninbot? C'est des bruitages de bulles de gaz dans un liquide recommandable, hein, c'est du cidre, c'est rien de mal. C'est sympa, je trouve. Je contrôle la situation, VDB, ça va. Attention à la mousse. Attention à la mousse, ça pourrait faire un titre d'une chanson, ça, je trouve. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça doit exister avec attention. Attention, attention, à la mousse, mousse, mousse. Bon, bref, je vais pas faire du coco. C'était notre vedette d'un certain temps, Coco, qu'on ne voit plus. Enfin, moi, que je ne vois plus, en tous les cas. Enfin. Ah oui, chicken, oui. Ouais, chicken, c'est une bonne idée. Chicken, mais tout le monde se plante à un moment donné à chaque fois avec ce morceau. C'est comme les histoires de blues, quoi. Il y a un problème de structure à chaque fois. C'est bien pour les percus, ce morceau. Chicken. Moi, il y a une petite bassiste que j'aime beaucoup. Désolé, c'est Nénette. Ah. C'est tempo. Thank you. Pas rien. En retard, la base, en retard. On n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas, on n'y est pas à la basse. Tan, tan, tan, tuk, tuk, dik, ta, un, et, tuk, tuk. Ah, c'est moi qui suis en retard maintenant. Voilà. C'est vachement dur les sons Rode hyper stéréo. Ça fait bizarre dans mes oreilles à chaque fois. Thank you. Ça sent le ce petit gros réveil avant le dodo, nickel. C'était beaucoup d'écoute. Merci. Bon, il est 25. Gracias. 24. Waouh, tu vois comme là, allez, c'est un là, non, un mi.